enfant. Et maintenant, réjouissez-vous. Vous voilà sur le seuil de votre vie éternelle. La Grande Peste, l'empreinte d'une tueuse. Deuxième épisode, quand la mort déferle. Hello, good afternoon, good day and welcome to all to today's global COVID-19 press conference. Bonjour à toutes et à tous depuis le siège de l'OMS à Genève. Bienvenue à cette conférence de presse sur la COVID-19. Près de 27 000 décès ont été enregistrés en Europe, ce qui représente plus de la moitié de tous les décès mondiaux dus à la COVID-19 de la semaine dernière. Le monde en a connu depuis des siècles. Il en est maître Pierre à toutes les pages de nos anciennes chroniques. Ce n'est pas la première fois que l'on meurt d'une peste, il est vrai. Mais nous appelions peste toutes ces grandes maladies qui se propagent et qui tuent. J'ouvre une boîte en carton noir, nouée par un ruban blanc. Et dans du papier de soie, voilà, on arrive à ce petit registre. Elle, c'est Isabelle Vernus. Elle est directrice des archives départementales de Saône-et-Loire. Et c'est elle qui veille sur le registre de Givry. Qui fait un peu plus de 26 cm de haut, une bonne grosse dizaine de centimètres de large. Plus de 80 feuillets, hein, oui, voilà. Quand on le touche, hein, on a une reliure en cuir ancien, des cahiers cousus, et puis voilà, là. On mourait sans serviteur, on était enseveli sans prêtre, le père ne visitait point son fils, ni le fils son père. La charité était morte et l'espérance anéantie. Guy de Chauliac. Quand on rentre dans le registre, on a des pages couvertes de noms de personnes. Il s'agissait pour le curé d'enregistrer ses redevances que les habitants de Givry et des environs devaient lui verser chaque année. Et ils moururent par centaines, de jour comme de nuit. Et tous furent jetés dans ces fossés et couverts de terre. Et dès que ces fossés ont été comblés, d'autres ont été creusés. Moi, Agnolo di Tura, j'ai enterré mes 5 enfants de mes propres mains. C'est comme ça qu'on arrive aux 2/3 du registre sur l'année 1348, qui est indiquée en haut de la page. Hein. « Defuncti sunt anno domini millesimo tricentesimo quadragesimo octavo 1348 » et commence la litanie, la longue liste de toutes les personnes qui sont mortes entre le 28 juin et le 19 novembre 1348. Plus de mention de redevances perçues, mais des listes de prénoms, de noms, les enfants, les femmes, qui, jour après jour, voilà, sont indiquées scrupuleusement par le curé. Et en fait, ce petit carnet patiné de Givry, grâce au curé qui a tenu le compte de tous les morts, il est devenu un symbole, mon symbole en fait. Ce carnet, c'est moi, c'est la peste, et il est cité dans tous les livres d'histoire comme l'illustration d'une mort de masse totalement inédite et qu'on ne sait pas quantifier. Les contemporains qui ont survécu parlent de la disparition du quart de l'humanité. Lui, c'est Michel Signoli. Il est archéologue et sa spécialité, ce sont les sépultures de catastrophes. Toujours est-il que, de toute évidence, c'est quand même une ponction démographique qui a fortement marqué ces populations-là. Et qu'on estime que peut-être 25 millions d'Européens ont disparu. Les gens ressentent les premiers symptômes le matin, le soir ils sont morts. C'est ce qu'on retrouve à travers un certain nombre de chroniques. Et donc forcément, la quantité, la rapidité va marquer les esprits. Et puis, j'ai envie de dire, un peu la qualité aussi des victimes. C'est-à-dire que si on est habitué à certaines maladies qui vont toucher les plus âgés ou les plus jeunes, on est sur des époques où la mortalité infantile est extrêmement forte, liée à toute une série de causes, y compris de causes épidémiques, la peste tue tout le monde. En ce temps, une maladie que l'on nommait épidémie courait, dont bien la tierce partie du monde mourut. Jean Froissart. À un moment donné, le curé a été littéralement dépassé par les événements. le rythme des décès qu'il mentionne s'accélère considérablement. Voilà. Et puis finalement, alors, de mois en mois, et ça court sur plusieurs folios, on voit que le nombre des morts augmente, mais il a continué à noter le nom d'absolument tous les décédés de Givry. Peut-être avec l'idée que, faute de leur avoir fait des funérailles chrétiennes dignes de ce nom, il fallait quand même qu'ils gardent une trace pour l'éternité de ces paroissiens décédés. Ça, on ne sait pas. Car bien des gens, sans doute, ont entendu compter qu'en l'an 1349, de 100 personnes n'en subsistèrent que 9. Guillaume de Machaut. Alors évidemment, on aurait très envie ou besoin de trouver dans les sources des expressions littéraires directes. Patrick Boucheron. Du chagrin et du deuil. On les trouve chez des poètes, chez des écrivains, chez Pétrarque, chez Guillaume de Machaut. Mais le filtre de la documentation nous éloigne de ce sentiment. Ce qui domine notre documentation, c'est la précaution inquiète des pouvoirs publics à limiter les formes trop appuyées de deuil collectif. Donc, limiter le temps de deuil, limiter les expressions, notamment les expressions vestimentaires. Donc, si les pouvoirs publics se préoccupent si tôt et de manière si constante, presque obsédante, de limiter en fait les formes collectives d'expression publique du deuil, c'est bien qu'il y avait un enjeu. Et donc on peut, par contre-coup, mais de manière toujours indirecte une fois de plus, prendre la mesure de ce qu'a pu être ce choc. Les années précédentes, on était autour de 20-25 décès par an. Et là, en 1348, entre le mois de juin et le mois de novembre, on est à presque 630 décès. Et il y a des jours, hein, le mois de septembre par exemple, là c'est vraiment le pic de l'épidémie, en une seule journée, 24 morts. Jean Gerloul est mort le lundi après la fête de Saint-Pierre-aux-Liens. Le mercredi est mort Pierre Lurc de Chagny. Le jeudi, avant la Saint-Laurent, est mort Barthélemy Bertrand de Cortian. Alors, hommes, femmes, enfants, bien sûr, quand il s'agit de jeunes, on ne donne souvent même pas leur prénom. La femme de Bertrand de Marcilly est morte le même jour, de même son fils H. La femme jour est mort de Jean, de Uxor, de la femme Jeannot, Gianetti, c'était son nom, on l'appelait le Copra. Les femmes des fils d'Humbert Salomon sont mortes le même jour. On a encore un Salomon, là. Henri Salomon est mort le mardi, après la fête de Saint-Pierre-aux-Liens. Ah oui, Jean la femme d'Odet le Lyonnais. C'est le fils. Ainsi que son fils. On n'en sait pas plus. Alors là, il y a une croissance, enfin on peut vraiment faire une courbe, entre début juillet et le 19 novembre, où le registre s'interrompt. On voit qu'il y a une croissance jusqu'en septembre et puis à partir d'octobre-novembre, la pandémie s'éloigne. Donc voilà ce que pandémie veut dire et catastrophe démographique. Ça tient dans ce petit carnet. Ça tient dans 12 folios, 12 feuillets d'un petit cahier qui initialement était vraiment un cahier utilitaire, je dirais, un cahier de compte. Si je me souviens bien, j'avais fauché presque la moitié de la population de Givry, c'est-à-dire qu'en 5 mois, j'ai fait autant de morts qu'en 20 ans. Les gens étaient sidérés. Je me souviens qu'à Avignon, le pape avait autorisé à immerger les morts dans le Rhône. Et à Venise, on pouvait les jeter dans le Grand Canal. Et puis je ne suis pas n'importe quelle maladie. Je suis venue avec un cortège de symptômes terrifiants et tout le monde a vite compris de quoi ils étaient annonciateurs. Il y a deux formes cliniques majeures. Il y a la forme la plus commune, celle qui tue le moins, avec des guillemets, parce que quand vous allez voir les chiffres, c'est la forme bubonique. C'est-à-dire qu'à un moment, une personne va être piquée donc par un insecte hématophage de type puce ou de type poux, et donc vous allez avoir les glandes lymphatiques qui vont provoquer cette inflammation qu'on appelle le bubon, hein, qui en fait est une adénite et c'est du pus. Et dans ces cas-là, sans traitement, vous avez 7 malades sur 10 qui ne survivent pas. C'est la forme la plus douce. Il y existe une autre forme chez les humains qui est la forme pulmonaire, c'est-à-dire qu'à un moment, certains patients vont fixer le bacille de la peste sur l'appareil respiratoire. Et dans cette configuration, il suffit qu'un malade atteint de forme pulmonaire parle, tousse, éternue, crache. Et à ce moment-là, donc, le bacille va se diffuser largement avec un taux de létalité qui frôle les 100% et une survie du patient qui est de l'ordre de 3 jours sans traitement. Et donc là, on rentre effectivement dans une autre échelle au niveau de la mortalité. Et si on a donc cette forme bubonique, Michel Signoli, on meurt en combien de temps et de quoi est-ce qu'on meurt ? Dans tous les cas de figure, sauf complications particulières et d'appropre, je dirais, à chaque patient, on meurt de septicémie. Et on a de la fièvre ? C'est de la fièvre, maux de tête, vomissements, voilà ce genre de choses qui, a priori, ne sont pas propres à la peste. Il y eut une si grande mortalité d'êtres humains des deux sexes, et davantage des jeunes que des vieux, qu'à peine les pouvait-on ensevelir. Ils n'étaient malades que 2 ou 3 jours, puis mouraient tout d'un coup, comme encore en bonne santé. Et tel qui, aujourd'hui, était en bonne santé, était mort le lendemain et porté en fosse. Jean de Venette. Ernest, il faut s'en aller. Viens vite. Il y a des rats. Il y a la peste. Sauvons-nous, s'il vous plaît, je vous en prie. Ne me laissez pas ici, je vous en supplie. Ce mendiant peut avoir la peste. Alors, évidemment, ce qui frappe le plus notre propre lecture contemporaine, c'est les descriptions rares mais poignantes de panique funéraire, celle de Bocas, justement, dans le Décaméron, qui décrit la manière dont on ne peut plus s'occuper des morts et où le fils dédaigne le père, ou plus la société se défait littéralement, et où les cadavres s'entassent comme des planches, dit-il. Bon, la chance des historiennes et des historiens, c'est quand même de pouvoir croiser les sources. Donc on a des témoignages littéraires de rites funéraires qui seraient dégradés ou en tout cas perturbés par la brutalité épidémique. Voyons ce qu'en disent les archéologues qui, eux, fouillent des cimetières. Donc la réalité archéologique, elle semble contester la description littéraire. C'est que, du point de vue des usages funéraires, tout indique que la peste, malgré sa brutalité, malgré l'atrocité en fait de son ampleur, eh bien laisse indemne, intact, les rites funéraires, le soin apporté aux morts, etc. Mais quand c'est pas le cas, quand on ne peut pas le faire, c'est traumatisant. Et ça, on le sait bien. Et on l'a réappris en 2020. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus effrayant, au fond, que de ne pouvoir faire les gestes simples d'adieu, de deuil, les rites, les gestes. Et quand on ne les a pas faits, c'était tellement effrayant qu'on l'a décrit. La Terre Sainte étant insuffisante pour ensevelir la multitude des corps qui étaient portés aux diverses églises chaque jour et quasi à toute heure, et comme on tenait surtout à enterrer chacun en un lieu convenable, suivant l'ancien usage, on faisait dans les cimetières des églises, tant les autres endroits étaient pleins, de très larges fosses dans lesquelles on mettait les morts par centaines. Entassés dans ces fosses, comme les marchandises dans les navires, par couches superposées, ils étaient recouverts d'un peu de terre. Giovanni Boccaccio. Voilà, des images qui restent, des images qui se répètent, qui hantent, des images qu'on trouve parfois dans les textes et dont on a voulu retrouver la trace archéologique en cherchant les cimetières de peste, en cherchant ma marque, 6 pieds sous terre. Finalement, les données qui sont disponibles en archéologie nous offrent une image bien plus détaillée et nuancée du traitement des morts. et assez éloignée des stéréotypes qu'on a admis pendant longtemps. Alors Dominique Castex, elle est archéologue, anthropologue et spécialiste de l'archéologie funéraire en situation d'épidémie. Parce que si l'on s'intéresse en particulier donc, aux premières années de la peste du XIVe, hein, c'est-à-dire les années de peste noire, les sépultures que l'on a étudiées témoignent d'un soin assez évident porté aux défunts, qui, pour la plupart, ont bénéficié d'un traitement plutôt en accord avec les coutumes qui étaient alors en usage. On a des exemples de grandes fosses qui ont été découvertes dans les années 1990 en Angleterre, avec le cimetière des Smithfield. Là, qui était un petit peu particulier, puisqu'on savait par des sources textuelles qu'il y avait deux grands cimetières qui avaient été aménagés dès le début de l'épidémie pour accueillir les morts de la peste. Ce qui est assez intéressant avec ce cimetière des Smithfield, c'est que là, justement, on a vraiment un cimetière dédié. Une fouille qui a quand même conduit à l'exhumation des squelettes de plus de 600 pestiférés, ce qui est un effectif assez conséquent, ce qui a permis après de les regrouper, évidemment, et d'établir ce qu'on appelle des courbes de mortalité, qui, par rapport à des courbes de mortalité anciennes, propres à une mortalité classique, ont permis de révéler des différences. C'est-à-dire des différences entre un profil de mortalité classique et un profil de mortalité de pestiféré. Et ces anomalies concernent une absence de très jeunes enfants et, à l'extrême, une très forte mortalité des 5 à 19 ans. Au moment de l'épidémie, ceux qui s'occupent des morts, en premier lieu, ce sont ceux qui s'occupent des morts de façon habituelle, déjà avant l'épidémie, les enterres morts, les croque-morts. Très rapidement, alors, il y a deux choses qui se passent. Ils sont débordés par l'importance de la tâche. Dans les villes du Moyen-Âge, on a quand même plusieurs centaines de personnes qui meurent par jour, hein, voire plusieurs milliers pour les plus grandes. Et ensuite, eux-mêmes sont victimes de l'épidémie. Donc rapidement, on va embaucher des gens, on va les payer très cher pour qu'ils fassent ce travail-là. Ils subiront bien évidemment aussi la contagion. Il arrive assez souvent que finalement, on promette la liberté à des prisonniers de droit commun, à perpétuité, condamné à mort, etc., en échange de ce service-là, peu d'entre eux, en fait, ont pu profiter de cette liberté. Et pour les paysans de Provence, là, comme nous dit le chroniqueur, qui étaient appelés en Avignon pour aider à la sépulture des défunts, bah, ils ne cachent pas que ces malheureux ne survivaient pas beaucoup. Alors Catherine Vincent, c'est une spécialiste de l'histoire religieuse du Moyen-Âge. Alors, il est évident que ceux qui étaient, j'allais dire, en première ligne de l'action pastorale, les prêtres des paroisses, mais aussi les frères, alors les religieux mendiants qui sont dans les villes, hein, les franciscains, les dominicains, Carmes et Augustins, si on veut être complet, eux ont payé un très très lourd tribut. Je crois que c'est à Montpellier, là aussi, ou en Avignon, enfin, où on montre que des couvents sont quasiment rayés de la carte, si vous voulez, parce que tous les membres sont morts. Bon, ces frères mendiants pouvaient pousser peut-être plus que certains clercs séculiers le sens du dévouement pour aller assister les fidèles au moment de leur mort. Et puis, y en a d'autres, voilà, comme on l'a vu aussi de nos jours, hein, qui vont prendre la fuite et qui vont refuser d'assister finalement les fidèles. Alors, que se passe-t-il ? Si vous voulez, les gens face à ces phénomènes vont essayer de se prémunir autant qu'ils le peuvent. Et par exemple, ça fait partie du rituel de la bonne mort chrétienne que de prévoir la transmission de ces biens, qui vont en partie à l'Église, mais qui vont aussi aux descendants. Donc on va voir une explosion de la rédaction des testaments. On en faisait avant, mais là, ça va être particulièrement concentré. Et bien évidemment aussi, dans ces testaments, on va prévoir tout un ensemble de gestes pour essayer de favoriser son salut avec des célébrations de messe, etc. C'est-à-dire qu'on a des gens qui laissent de plus en plus d'argent dans leur testament à des établissements religieux pour dire un certain nombre de messes pour le salut de leur âme. Lui, c'est Étienne Anaïm. C'est un médiéviste et cette année, il donne un cours sur Pétrarque à l'EHESS. Et il a travaillé aussi sur la question de la peste avec Patrick Boucheron et c'est pour ça qu'on a été le voir. Mais quand on dit dire un certain nombre de messes, c'est pas deux ou trois, c'est-à-dire qu'on a des milliers, parfois des dizaines de milliers de messes qui sont fondées par testament par des gens pour garantir le salut de leur âme et pour garantir leur accès au paradis. Tous les ans, on aura une messe pour le salut de telle personne. Et souvent, on ne le fait jamais à titre strictement personnel, mais on associe, selon les formules des textes, ses parents, amis et bienfaiteurs. Donc vous voyez, ça fait un cercle tout de suite un peu large. Donc c'est ce type de manifestation qu'on dit relever de cette piété flamboyante. Et donc, effectivement, la peste est une pièce majeure dans cette transformation, mais il faut toujours rappeler qu'elle n'est pas la seule et que un événement transforme évidemment l'ensemble d'une société, mais il transforme dans des sens et avec des directions qui, pour une part, étaient déjà empruntées auparavant. D'accord, ça, je peux l'admettre, personne ne m'a attendu pour se dire que les temps étaient difficiles, que l'on est peu de choses et que chacun doit mourir. Attention, je ne dis pas que je suis la mort ou que je suis la peur à moi toute seule, mais franchement, j'en suis une bonne incarnation. Alors, tout le monde avait peur. Alors que finalement, ceux qui ne vivaient pas entassés, ceux qui avaient assez d'argent pour partir, qui étaient bien nourris, qui avaient une propriété pour s'isoler, ceux-là sont quand même moins morts que les autres. Mais en tous les cas, les archéologues, quand ils trouvent des tombes qui contiennent plusieurs corps, c'est à moi qu'ils pensent. Et ensuite, c'est comme une enquête. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être combien de cimetières de peste aujourd'hui ont été identifiés en France, par exemple ? On a à peu près 40 sites, dont 16 sont attribués aux premières années de la peste noire, de 1347 à 1352, et à peu près 32 à ses résurgences, c'est-à-dire jusqu'au début du XVIIIe siècle. Donc c'est absolument impossible de tirer des grandes conclusions sur la gestion funéraire de l'épidémie qui arrive à ce moment-là. Et bien évidemment, parfois, on a ces scènes-là, et on a la trace archéologique de cette mort de masse, et du coup, des sépultures qui sont aussi des sépultures de masse, parce qu'il faut gérer ces corps, plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers par jour. On a les corps qui sont déposés à la hâte, souvent tête bêche. On va vite pour inhumer le corps. On ne fait pas dans la sépulture individuelle. Néanmoins, on inhume les corps. C'est-à-dire que même si c'est à minima, il y a un minimum de gestes funéraires autour du défunt. Parce que c'est important. On est dans une société chrétienne. Et donc, il y a souvent une question qu'on se pose, c'est pourquoi, pour des raisons d'hygiène, etc., on ne brûlait pas les corps ? Ben parce qu'on ne brûle pas les chrétiens. Le cimetière de Dreux a été un des tout premiers sites à offrir l'opportunité d'être confronté à une vraie crise de mortalité par épidémie. Il a été fouillé dans le milieu des années 90 et sa particularité, en fait, a été de révéler l'image de plusieurs sépultures multiples, bon, qui ont pu être datées du XIVe siècle, et plusieurs sépultures multiples dans un cimetière paroissial qui était proche de l'église Saint-Pierre à l'époque. Donc des tombes qui sont apparues totalement atypiques, parce qu'on pensait que les cimetières de pestiférés étaient totalement isolés des cimetières classiques paroissiaux, donc on ne les retrouvait pas. Il me semble qu'on avait une quarantaine ou une cinquantaine d'individus qui se répartissaient dans plusieurs... Peut-être il y avait des sépultures multiples qui renfermaient jusqu'à 10 individus, 10-12. Et à quel moment précis on a su que c'était bien un cimetière de peste ? Si après ce phénomène de surmortalité est récurrent à l'échelle d'un cimetière, on commence à se poser la question d'un événement particulier qui a conduit à la création de plusieurs tombes multiples, donc plusieurs individus morts en même temps. Évidemment, au moment même où vous fouillez, vous voyez assez rapidement qu'aucun d'entre eux ne présente de traumatisme ayant pu entraîner la mort et lié à l'utilisation d'une arme blanche ou d'une arme à feu. Donc si vous avez hommes, femmes, enfants inhumés en masse, et n'ayant pas de trauma, il n'y a pas 50 solutions. C'est que soit vous êtes sur le résultat d'une catastrophe naturelle qui n'a épargné personne, soit sur un pathogène qui n'a épargné personne, et des pathogènes qui provoquent une telle mortalité, de telles pratiques funéraires hâtives, et avec ce profil-là, fort heureusement, j'ai envie de dire, sous nos latitudes, il n'y a eu que la peste. Il y a des tas d'autres indices qui vont attester de l'urgence à l'inhumation, notamment les objets. Boucles de chaussures, boucles de ceintures, boutons de vêtements, des pièces, de la monnaie, et parfois de la monnaie qui a une vraie valeur à l'époque, de l'or ou de l'argent, et qui pour nous a une valeur exceptionnelle, puisqu'elle sert d'élément datant. Ça atteste que ces corps ont été inhumés habillés, que ces corps n'ont pas été fouillés avant l'inhumation. Voilà, c'est toute une série de faits de ce type-là qui vont nous permettre d'avancer l'hypothèse qu'on est dans un contexte d'acmé épidémique. Quand vous regardez dans les fosses, Michel Signoli, ils étaient en bonne santé, les gens qui sont morts de la peste ? Oui, c'est ça qui est aussi assez curieux. Les gens que vous avez dans les fosses de pestiférés, c'est des gens qui n'auraient pas dû mourir. Ils n'ont pas de pathologie dégénérative. En fait, le profil que vous avez, ça n'est pas du tout le profil habituel d'un cimetière, ça n'est pas le profil de la mort. elle est le reflet, le négatif, le cliché en négatif de la population vivante. Et ce qui est tout aussi curieux, c'est qu'au lendemain de la peste, quand la peste s'arrête, pendant quelques semaines, on ne meurt plus. C'est-à-dire que vous continuez à dépouiller les registres de baptême, mariage et sépulture. Vous avez les baptêmes qui s'envolent, les mariages aussi, la vie reprend. En revanche, pendant quelques semaines, vous n'avez plus de décès. C'est-à-dire que la mort a tellement fauché que ceux qui restent sont des résistants. Il faut attendre quelques semaines pour que les offices religieux liés aux funérailles puissent reprendre. Voilà. Jeannette, fille de feu Henri de Paris, est morte le mardi après cette fête. Ludy Reynaud est mort le mercredi suivant. Littéralement, on tourne la page à un moment donné, c'est-à-dire qu'on finit sur les décès de novembre 1348. La veuve de Jean de la page et on arrive sur l'année 1349 et on a les premiers mariages. Donc voilà, la vie reprend le dessus. La fille à Gros Michaud, le même jour. Le fils d'Arnaud de Sainte-Hélène, le même jour. Donc si on cherche un effet immédiatement documentaire d'un effroi, on est déçu. C'est même plutôt le contraire. C'est que, au fond, nos sources, c'est comme si elles euphémisaient systématiquement la catastrophe. Carlo Ginzburg avait raison quand il dit toujours que l'histoire est une science indiciaire. On a des traces qui sont les indices que quelque chose a passé par là. Alors, Vietto, c'est très beau parce qu'on voit, par exemple, qu'on va limiter le poids de cire que chacun a le droit d'acheter. Et on en conclut que s'ils achètent de la cire, c'est pour faire des cierges. S'ils font des cierges, c'est pour enterrer des morts. Et s'ils en ont besoin de beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de morts. Je donne un autre exemple. Dans la seconde moitié du XIVe siècle, les villes vont tenter de renégocier, par exemple dans le royaume de France, avec le roi de France, leur fiscalité, leur impôt. Voilà. Et donc, il y a des requêtes comme ça au roi de France qui dit, compte tenu de la situation, vous comprendrez bien qu'on ne peut pas vous payer tant. Ils disent pas, c'est horrible, on est tous morts. Parce que c'est horrible et parce qu'ils sont tous morts. Donc, ils n'ont pas besoin de le dire. Ils ne parlent pas à nous. Ils parlent au roi, qui sait bien ce qui se passe. D'une certaine manière, quand tout le monde vit la même chose au même moment, il n'y a pas besoin de l'exprimer. Septembre 1348. Le fils de Michel Bulmont. Constantin de Beaufort. La femme d'Henri de Rennes. La femme de Perret de Carré. De Guillaume Dufour. André Lefusé. De Jean Chénery. Le fils de Michelet Bulmont. Mardi. Merci à Étienne Anheim, Patrick Boucheron, Dominique Castex, Michel Signoli, Isabelle Vernus et Catherine Vincent. Et merci aussi à Marie-Noël Lecarrère et Jean-Claude Dufour de la ville de Givry. Lecture, Sarah Chaumette et Éric Herson-Macarel. Prise de son, Yves Lehors, Christophe Papon et Julie Garraud. Mixage, Éric Boisset. La Grande Peste, l'empreinte d'une tueuse, Quand la mort déferle, Perrine Kervran, Anne Pérez. You gave to us.